la Béatrice. Dans des terrains cendreux, calcinés, sans verdure, comme je me plaignais un jour à la nature, et que de ma pensée en vaguant au hasard j'aiguisais lentement sur mon cœur le poignard, je vis en plein midi descendre sur ma tête un nuage funèbre et gros d'une tempête qui portait un troupeau de démons vicieux semblables à des nains cruels et curieux. À me considérer froidement ils se mirent, et comme des passants sur un fou qu'ils admirent, je les entendis rire et chuchoter entre eux en échangeant maints signes et maints clignements d'yeux. Contemplons à loisir cette caricature et cette ombre d'Hamlet imitant sa posture, le regard indécis et les cheveux au vent. N'est-ce pas grand pitié de voir ce bon vivant, ce gueux, cet histrion en vacances, ce drôle, parce qu'il sait jouer artistement son rôle, vouloir intéresser au chant de ses douleurs les aigles, les grillons, les ruisseaux et les fleurs, et même à nous, auteurs de ces vieilles rubriques, réciter en hurlant ces tirades publiques? J'aurais pu, mon orgueil aussi haut que les monts domine la nuée et le cri des démons, détourner simplement ma tête souveraine, si je n'eusse pas vu, parmi leurs troupes obscènes, crime qui n'a pas fait chanceler le soleil, la reine de mon cœur, au regard non pareil, qui riait avec eux de ma sombre détresse, et leur versait parfois quelques sales caresses.